L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, notre émission aujourd'hui sera consacrée à théâtre et politique, quatrième édition de ce cycle à l'initiative de l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise. Nos invités pour cette émission aujourd'hui, Jean-Joël Le Chaplin, directeur de cette même scène nationale, l'apostrophe. Bonjour Jean-Joël bonjour, Le Chaplin. Bonjour. En studio, Gabriel Dufay, metteur en scène et comédien, créateur, fondateur de la compagnie Incandescence, par ailleurs, on en dira quelques mots certainement, et autre invité qui devrait intervenir par insert téléphonique, en phoneur comme il convient de dire aujourd'hui, il a pour nom Jacques Rebautier, il est compositeur, metteur en scène, comédien, poète et bien plus que cela, comme vous pourrez l'entendre et le découvrir au cours de cette émission. Cycle théâtre et politique, c'est en effet Jean-Joël Le Chaplin, la quatrième et édition de ce cycle organisé à Cergy-Pontoise du 14 mai au 8 juin avec 7 spectacles à l'affiche. Pour peut-être se donner à comprendre aussi les motivations de la scène nationale de s'engager sur ce cycle, et cela depuis maintenant quelques années, faire du théâtre constitue en soi un acte politique, avez-vous écrit Jean-Joël Le Chaplin. Cet engagement et les formes qu'il emprunte ne va pas toujours de soi. La culture et le théâtre constituent avant tout les conditions de notre accès à la citoyenneté, à l'égalité, à travers les gestes de la pensée, de la création et de l'éducation. Fin de citation. Alors c'est vrai que quand on parle de théâtre, on ne fait pas comme ça instantanément le lien avec la politique. Oui, et pourtant au sens littéral du terme, le mot politique veut dire les affaires de la cité. Donc les affaires de la cité, ça interroge tout le monde, et le théâtre depuis la nuit des temps, depuis les Grecs qui sont en général, la référence obligée, eh bien, c'est sur le plateau de théâtre, ce sont des questions de société qui sont traitées. Alors, à certaines époques de l'histoire du théâtre, qui correspondent à l'histoire de l'humanité, on a des grands trous, on n'arrive pas à retrouver, par exemple, de grands textes ou la trace de théâtre. Mais par contre, dans beaucoup d'autres époques, on trouve des auteurs, on trouve la trace absolument forte du théâtre dans la société, à un moment où finalement les sociétés s'interrogeaient le plus peut-être sur le devenir des êtres, qu'est-ce que le politique pouvait faire pour le bien-être de ses concitoyens, qu'est-ce que les concitoyens pouvaient eux-mêmes mettre en œuvre pour, si on peut dire, influencer ou obliger le politique à servir la cause publique. Et ces questions sont évidemment des questions qui agitent toutes les sociétés. Et donc le théâtre est la traduction de cela. Il suffit de prendre les textes de Molière, de Racine, de Corneille, pour parler des Français, de Shakespeare, par exemple, de Bertolt Brecht et de bien d'autres, hors Europe autant qu'en Europe, pour constater que finalement cette préoccupation, elle a été partagée par de nombreuses pensées. Mmh. Et donc c'est ce que nous voulons très modestement, dans un petit focus de quelques jours et au travers quelques spectacles, permettre de centrer pour essayer, dans la période dans laquelle nous vivons peut-être, et le projet a été mis en place il y a 4 ans, mais on aurait pu le mettre en place bien avant, par le fait que nous constations que il y avait assez peu d'artistes, d'auteurs principalement, qui se saisissaient de ces questions depuis la décennie que nous vivons. Mmh. Et il nous paraissait quand même important peut-être de recentrer les choses, puisque en fait il y en a quand même, on les découvre ici ou là, mais il y en a relativement peu au regard des nombreux autres textes qui existent, et pourtant beaucoup s'intéressent évidemment à ces questions de société. Et alors, juste pour citer aussi une philosophe, Marie-Josée Monzin, qui propose de lutter contre l'effondrement de la politique. Alors ce qu'on vit aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est pas l'actualité immédiate de la présidence de François Hollande que je vise, mais bien la décennie qui vient de s'écouler, où finalement on constate que la politique est très malmenée, au sens où les citoyens pourraient penser que finalement l'ensemble de ceux qui servent la cause publique sont des voyous, des voleurs, des bandits, que sais-je. C'est tout sauf ça, à mes yeux, même si évidemment il y en a quelques-uns qui illustrent ces dérives. Mais la plupart donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie pour faire en sorte que la cause publique soit bien portée. Et c'est vis-à-vis de cela et des artistes qui en parlent que nous voulons mettre, sur cela qu'on veut mettre l'accent. Quand on parle de forme, souvent on oppose divertissement avec d'autres formes théâtrales. Est-ce que le divertissement peut trouver sa place dans un cycle comme celui-ci ? Mais oui, enfin le mot divertissement, bon, qui a été qui est largement galvaudé en France, notamment par la télévision, sur l'entertainment en anglais, qui consiste à dire que finalement des séries, des objets de grande vulgarisation, qui peuvent être le théâtre ou les séries télévisées, ou du cinéma, ou des films, peuvent être des sujets de divertissement, au sens où le divertissement serait opposé à la pensée. Alors, il y a opportunément en ce moment un film sur Hannah Arendt et sa position prise dans les années 60, envoyée comme reporter du New Yorker à Jérusalem pour le procès d'Eichmann, et où elle a mis en évidence, aux grandes dames de ses compatriotes d'ailleurs, en évidence le fait de la banalité du mal, elle illustre par là le fait que ces choses qui arrivent à des sociétés ne nous passent pas comme ça devant par hasard. Et quelque part, cette question de la pensée, puisqu'elle évoque le fait qu'Eichmann avait été totalement dénué de pensée, c'est-à-dire qu'il a envoyé des millions de gens à la mort, mais sans se poser à aucun moment, semble-t-il, la question de l'interrogation morale qu'il pouvait avoir comme être humain en tuant des millions d'autres, eh bien, justement, cette question de la pensée, elle s'oppose quelque part à la question du divertissement. Puisque dans le divertissement, on serait censé regarder une chose et puis que ça ne produise aucun effet sur notre mental, notre affect, ce qui est évidemment un peu stupide. Et donc le théâtre ne peut pas être de divertissement, même si on peut prendre beaucoup de plaisir, des joies, des peines, des douleurs, même quelquefois pour les personnages que l'on voit sur le plateau de théâtre, auxquels on s'identifie souvent. Et donc tous ces sentiments peuvent relever d'un plaisir qui n'est pas un pensum, c'est pas une thèse de troisième cycle, on n'est pas obligé de souffrir, mais ça n'est pas forcément un divertissement léger, une chose qui ne laisserait aucune empreinte sur nos âmes. Le théâtre doit laisser des empreintes sur les âmes. Il est temps d'accueillir notre premier invité, parce que Jean-Joël Le Chapelain est un invité permanent dans cette émission, tout le monde l'aura bien compris. Premier invité. Prochainement, à l'affiche. Premier invité artistique dans cette émission, c'est Gabriel Dufay de la compagnie Incandescence. Je disais que vous êtes homme de théâtre assurément, metteur en scène, comédien, et vous avez fondé cette compagnie Incandescence, ça devait être en 2008, en vue de défendre et d'explorer un répertoire d'auteurs contemporains qui mérite d'être découvert ou revisité aujourd'hui. Et votre choix pour la création dont nous allons parler au cours de cette émission, c'est porté pour des auteurs norvégiens, c'est ça ? Typiquement norvégien, oui. Alors, en plus, une croisée de chemin entre deux auteurs qui ont un siècle d'écart pratiquement à l'année près, c'est ça ? Oui, et c'est ce qui m'a passionné, c'est une rencontre entre Knut Hamsun, qui est un immense romancier norvégien, le plus grand romancier de Norvège, considéré là-bas comme tel, qui a été prix Nobel de littérature en 1920, et qui a écrit notamment un roman phare qui s'appelle le roman Fin, F-A-I-M, et pas F-I-N, qui décrit l'errance d'un jeune homme souffrant d'inanition, qui a été mis à la porte de son logis et qui recherche désespérément de quoi manger. Et ce roman a fait l'effet d'une bombe, et c'est à partir de là qu'il a construit toute une carrière avec des grands chefs-d'œuvre littéraires, que sont Pan, Victoria, Sur les sentiers où l'herbe repousse. Et l'autre auteur dont il est question ici, c'est Yon Fosse, qui est lui un romancier, tout ce qu'il y a de plus contemporain. Que vous avez rencontré ? Que j'ai rencontré, oui, et qui a adapté le roman fin. Et Yon Fosse, ça fait très longtemps que je le tiens pour un des plus grands dramaturges de notre époque, voilà, qui fait suite à Beckett, à Bernhardt, et qui a une écriture très ciselée, comme ça, avec une partition et une langue. Il invente véritablement un monde, une musique, une mélodie particulière. Et quand j'ai vu Yon Fosse adapter Knut Hamsun, et en l'occurrence fin, qui est un de mes romans préférés, je me suis dit, ça, il y a une pépite là-dedans. Alors, il s'agit peut-être probablement plus que d'une simple adaptation. Je crois vous avoir lu pour dire que vous parlez de variations qui respectent les grandes lignes du roman. En même temps, vous décrivez cette œuvre comme une grande œuvre tragique et métaphysique, doucement violente, je vous cite. Elle est pour vous une prière criminelle. Alors, prière criminelle, je cite explicitement Yon Fosse. En fait, c'est comme ça qu'il définit l'écriture, la littérature, parce que Yon Fosse est assez mystique. Et c'est vrai qu'il y a à la fois la violence dans le sens où cette œuvre est quand même un cri d'effroi et de révolte porté sur le monde d'un sans-abri qui hurle à la recherche de quoi manger. Et en même temps, il y a une certaine douceur dans la mesure où la pièce s'appelle Ullayali, ou Ullayali, ça dépend comment on la lit, si on la française. Norvégienne ou à la française. Et en renommant sa variation comme telle, en fait, Yon Fosse, il reconcentre notre attention sur un personnage féminin qui est comme une apparition dans l'errance de ce jeune homme mis à la porte. Et il y a toute une partie de rêve éveillé dans la pièce, beaucoup plus onirique. Et moi, c'est cette rencontre entre une extrême violence, la violence des bas-fonds, de la rue et de l'être humain vraiment mis... qui se retrouve à l'état d'animalité première, quoi, c'est-à-dire avec les besoins les plus primaires, manger, dormir, trouver de quoi se réchauffer, et en même temps une partie beaucoup plus onirique avec la rencontre avec cette femme et par la poésie de Yon Fosse que je trouve très précieuse. Alors oui, c'est pas le seul personnage. Vous avez évoqué le personnage également du vieil homme qui lui-même interprète en fait une série de personnages, policiers, employés, bourgeois, mais aussi ceux qu'on rencontre quand on est dans la rue, c'est-à-dire les clochards. Aujourd'hui, on les appelle plus communément, pour prendre un peu de distance, les sans domicile fixe, mais voilà. C'est, et donc, le personnage du vieil homme est aussi, vous jouez, vous interprétez le rôle du jeune homme vous-même. Exactement. Exactement. Et en fait, ce qu'a fait Yon Fosse en adaptant le roman, que je trouve qu'il y a un coup de maître, c'est que tous les personnages masculins que le jeune homme rencontre dans son errance, il les a fait interpréter par une seule et même figure, qui est le vieil homme. Et donc il accentue l'idée qu'on se trouve dans un espèce de délire, que ce jeune homme marche dans son cerveau, et on ne sait pas s'il marche dans son passé, s'il est déjà mort. Il y a toute une série d'interrogations. Si ces personnages sont réels ou pas. Exactement. Et en fait, moi, plutôt que les appeler des clochards ou des sans-abri, moi je pense, j'aime les appeler des naufragés, comme ce livre qu'avait écrit Patrick de Clercq, le sociologue, les naufragés sur les sans-abri de Paris. Et c'est vrai qu'il y a cette idée d'un naufrage, et en même temps, c'est parce que tout ça pourrait avoir l'air très, très sombre quand on en parle, très glauque, alors qu'il y a quand même une force de vie dans cette pièce, et une lumière, c'est-à-dire qu'on pense qu'il est au fond du trou et qui va sombrer complètement. Et non, il se relève, il continue d'avancer grâce à cette petite croyance amoureuse, ce nom qui se susurre, Ulayali, cette femme qu'il rencontre. Il continue de vivre et de survivre envers et contre tout. Et c'est cette force de vie et cette résistance qui a touché Yon Foss dans l'univers de Knut Hamsun et qui, moi, me touche infiniment. Et c'est là où le théâtre de Yon Foss est politique. C'est-à-dire qu'il récuse la notion de théâtre social, mais théâtre politique, oui, parce qu'il donne la parole à ceux qui ne l'ont pas et à tous ces désaccès, ces marginaux de la société. Et dans ce sens-là, il prend la suite un peu des Grecs. Avec aussi ce personnage féminin, ce qui personnifie le jeune homme une sorte d'amour idéal et de lumière. Donc effectivement, avec toujours, on peut être dans le sombre, on peut être dans le naufrage, comme vous parlez des naufragés, mais il y a toujours cette lumière, cette étincelle d'espoir, d'espérance. Oui, il y a une embardée amoureuse à un moment donné de la pièce. La pièce, il y a deux parties et l'embardée amoureuse dessine tout un autre paysage. Alors, est-ce que ce jeune homme-là est mort et est-ce que cette femme est une apparition? Est-ce que c'est une projection mentale? Est-ce que c'est un souvenir? Ce sont des questions auxquelles je n'ai pas envie de donner forcément des réponses. Et je crois que là, ce qui est intéressant, c'est que le spectateur sorte de là et se raconte sa propre histoire et donne ses propres réponses. Ulayali, pour ceux qui vont la traduire à la française, donc personnage où il est question, effectivement, dans l'écriture de l'auteur, à l'origine, de refuser aussi de participer à une existence normalisée. Donc, c'est pas simplement la société telle qu'elle se situe, c'est pas simplement faire un constat, mais en même temps, y compris dans son écriture et dans la présentation de ce travail, avec l'idée aussi de se rebeller, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme. Si, complètement, mais c'est toute l'ambiguïté de l'œuvre originelle, c'est que ce narrateur est à la rue, mais il pourrait avoir de quoi manger, mais à chaque fois qu'il a de quoi manger, il le rejette, ou il le redonne à d'autres mendiants, et en même temps, il recherche cet état d'inanition comme un état d'inspiration artistique et comme un refus de tout ce qui l'entoure, la normalité entre guillemets représentée par les banquiers, par les policiers qui croisent, par les prêteurs sur gage, et il n'a pas envie de se confondre avec ces personnages-là. Donc c'est vraiment un personnage mosaïque qui pose question ce narrateur de fin, et Yon Foss a encore plus aiguisé ces actes de révolte. Il y a des univers, voire des ambiances théâtrales qui resituent ces ambiances qui sont décrites dans cette écriture et dans ce travail. Vous dites vous-même qu'il s'agit d'une odyssée intérieure dans laquelle les ombres de Beckett, de Kafka, de Dostoïevski et bien d'autres sont convoquées. De quelle manière on fait non pas apparaître des personnages qu'on a pu croiser dans d'autres pièces de théâtre, mais en même temps, on a comme ça instinctivement l'idée de voir traverser votre pièce par d'autres personnages. Oui, on travaille beaucoup, en ce moment on est en pleine répétition sur la notion de projection, de fantôme, et c'est vrai que comme chez Beckett par exemple, qui est un auteur qui a immensément compté pour Yon Foss, il me l'a dit lui-même, tout comme les Grecs, il y a cette intemporalité, c'est-à-dire qu'on est dans les rues d'une grande ville, mais on ne sait pas laquelle. Ça pourrait être Oslo comme Paris, comme Londres. Ça pourrait être aujourd'hui comme hier, comme demain. Donc il utilise vraiment la fable pour nous faire entrer dans son imaginaire théâtral. Et Kafka, c'est évident par cette espèce de menace sourde et en même temps de douceur, parce qu'on peut retrouver une douceur dans les écrits de Kafka, et ce sont des auteurs, Dostoïevski, Kafka, Beckett, qui comptent beaucoup pour Yon Foss, et pour moi aussi d'ailleurs. Avec une autre précision, vous dites, pour décrire ce spectacle, le vieil homme et la jeune femme dont on vient de parler sont effectivement, peuvent être perçus comme des avatars et des projections possibles du personnage principal. C'est une manière aussi peut-être d'aider à la compréhension, pour le coup, pour les spectateurs qui vont aller découvrir cette création. Oui, c'est comme si le jeune homme, en fait, cet homme qui est au bord de crever de faim, dialoguait avec lui-même. Et la femme et le vieil homme étaient des entités de sa conscience. Il y a cette piste-là aussi. Maintenant, tout ce dont on parle peut paraître obscur, alors que la pièce est quand même assez simple, mais elle est simple comme une énigme à résoudre, en fait. C'est une pièce puzzle. Le passé et le présent s'entremêlent, le souvenir et le fantasme. Et il y a des ellipses foudroyantes dans la pièce, et c'est ce qui fait que cette écriture est absolument passionnante, c'est-à-dire qu'il faut remplir les trous, et c'est à chaque spectateur de les remplir. Avec l'idée aussi pour inciter ceux et celles qui nous écoutent et qui découvrent cette émission sur l'antenne de RGB pour parler de ce spectacle, l'idée qu'on est entre dramatique et aussi drôlatique, osons le mot. Bien sûr. Bien sûr, et Jon Foss a coutume de dire qu'il écrit des pièces où les spectateurs, faites pour que les spectateurs pleurent et rient en même temps. Et c'est vrai que même si on est sur un sujet violent, triste, effroyable, il y a toute une part aussi burlesque, ou disons du moins grotesque, qui est assez forte, qui peut rappeler le théâtre de Beckett, et qui fait que c'est vraiment la touche de Jon Foss, parce que dans tous ces personnages que le narrateur rencontre dans son errance, il y a un côté un peu aussi... After House, ce film de Martin Scorsese, où on suit un personnage comme ça dans son errance nocturne, et ça va de il rencontre des personnages de plus en plus délirants, fantaisistes, violents, et puis on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et il y a quand même ce côté-là, et en plus, moi je l'ai accentué puisque j'ai un pianiste qui est un peu un homme orchestre dans le spectacle, et qui vient donner sa touche à tout cela, et qui ajoute du drôlatique. Jean-Joël Le Chapelain, peut-être une précision, voire une question à notre invité ? Une précision, je me garderai bien d'interférer sur le projet de Gabriel, mais simplement sur Jon Foss. Donc je trouve ce choix tout à fait formidable, dans la mesure où Jon Foss, en effet, ça s'adresse et parle des gens du quotidien. Donc il y a la dimension onirique qu'évoquait Gabriel à l'instant, mais donc la dimension humaine, pas profondément humaine, de ces personnages que l'on retrouve dans toute son œuvre, est tout à fait intéressante à regarder, à considérer, et à peu renvoyer sur un sujet comme celui-ci, parce que quand même, quand on parle de la faim, quand on parle de l'errance, quand on parle de la pauvreté en ce 21e siècle, on ne peut s'empêcher de voir la misère étalée dans les villes, principalement, de ces personnes qui sont jetées à la rue, dont on ne sait pas ce qu'elles deviennent le soir, donc on ne sait pas comment elles vivent vraiment, de la mendicité ou de ne sais quoi, et qui sont de toute évidence, malgré la puissance de l'aide sociale qui peut exister autour, de toute évidence confrontée à ces problématiques. Et la question que pose ce texte, à mon sens, est aussi celle de l'interrogation profondément humaine d'une personne confrontée à ces situations, et qui à la fois veut maintenir sa dignité, veut conserver sa dignité, veut lutter contre son propre affaiblissement, tout en refusant finalement de manière assez forte des soutiens extérieurs, comme si finalement c'était la constitution d'une personnalité, à la fois une personnalité humaine, mais aussi d'une personnalité sociale, qui était en jeu dans ces questions. Alors justement, peut-être tu peux dire deux mots sur les personnes qui t'accompagnent au-delà du pianiste dans ce projet. Bien sûr. Il y a évidemment, j'ai fait appel à Jean-Paul Wenzel pour jouer le rôle du vieil homme, Auteur par ailleurs, auteur, metteur en scène, depuis comédien, fort longtemps, voilà, et qui a été mon professeur au Conservatoire national et qui m'avait mis en scène dans Les Bas-fonds de Gorky. Donc pour moi c'est une manière de boucler la boucle, de faire appel à lui parce que dans cet univers là. Et dans le rôle de la femme, il y a une actrice formidable franco-hongroise qui s'appelle Murani Kovacs. Murani, c'est difficile à dire, comme Ulayali. Donc déjà, j'ai été séduit par son prénom, mais indépendamment du prénom, c'est une actrice qui a un mystère, une voix assez envoûtante, comme ça, qui peut me faire penser un peu à Isabelle Huppert quand elle était plus jeune, voilà, assez formidable. Et le pianiste Antoine Bataille, qui est un magicien du son, qui est au piano, mais qui crée aussi toute une série de sons avec ses pédales et avec tout un tas d'instruments que je ne connais pas bien, mais j'aime beaucoup ce qu'il en sort, en tout cas. Ulayali de Jon Foss, par Gabriel Dufay, de la compagnie Incandescence, d'après le roman Fin de Knut Hamsun. C'est à voir les jeudi 16 mai à 19h30, vendredi 17 mai à 20h30, ainsi que le samedi 18 mai à 20h30 au Théâtre des Arts à Cergy. Voilà pour le rendez-vous. On a très envie d'aller découvrir effectivement cette pièce parce qu'il ne s'agit pas simplement de la description d'un naufrage ou de l'histoire de naufragés et marginaux de la société, et marginaux et naufragés de la vie tout court, mais c'est aussi avec l'idée, comme on peut l'entendre sur cette antenne de radio locale associative, ici à Cergy-Pontoise, montrer que lutter pour survivre, c'est aussi pour beaucoup lutter pour conserver sa dignité, et je crois que c'est aussi au centre de votre travail et de cette pièce. Oui, cette question m'interroge beaucoup, et c'est vrai que moi j'ai créé ma compagnie pour interroger la société, et ce personnage-là de cette pièce est une énigme vivante, et j'ai la conviction en travaillant la pièce, là en répétition, que c'est une très très grande œuvre dramatique. Voilà, je la mets très au-dessus de toutes les pièces que je peux lire aujourd'hui. Ça peut me faire penser à En attendant Godot. Ah oui, quand on faisait la référence à Beckett tout à l'heure. Voilà. Et oui. J'ai vraiment la conviction, et c'est une création en France. Et qui va se retrouver après Cergy-Pontoise au Théâtre des Célestins à Lyon. Coproduit d'ailleurs ce spectacle. Qui coproduit avec nous ce spectacle. Et tourné toute l'année prochaine. Merci. Avant de nous quitter, vous êtes venu sous le bras avec une musique, un disque. Quel est votre choix ? Mon choix, c'est Arvo Pärt, Furalina. Un mot de présentation ? Oui, parce que la musique de Pärt m'a toujours fait penser à l'écriture de Foss dans son minimalisme et dans ce qui se passe entre les gouttes de piano et dans ce qu'on entend derrière les silences. Dans ce mystère, moi, c'est une musique qui me bouleverse. Merci Gabriel Dufay. Merci à vous. Thank you. RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Prochainement à l'affiche, Héraclite et Démocrite, mais aussi le cabaret de la dernière chance de Jacques Rebautier de la compagnie Vogue, notre nouvel invité qui intervient par insert téléphonique sur l'antenne de RGB. Jacques Rebautier, bonjour. Bonjour. Alors, pour vous présenter, c'est toujours pas simple pour les animateurs passionnés de théâtre que je peux, parmi lesquels je figure. Je suis désolé, hein. Écrivain, compositeur, metteur en scène, poète, ai-je lu de la rumeur des choses, voilà qui est bien dit, vous cherchez à entendre ce que disent les mots, ce qui a d'ailleurs été au centre même de la création de votre compagnie, vous échappez donc à toutes les catégories, ça tombe bien, mais on peut dire que vous avez de la fantaisie en bandoulière tout de même. Est-ce que cela vous convient ? Ah ben, tout à fait. Écoutez, dans le mot fantaisie, en plus, il y a la liberté, et puis en plus, il y a l'imagination, voilà, il y a le fantasme, tout ça, c'est la même origine. Voilà, les Allemands savent bien ça, qu'ils disent Fantasieren, fantaisie. Voilà, imagination et curiosité, ça me va. Humour, parce que aussi, quelquefois, la vie est faite aussi de tous les sentiments, de tous les matériaux, et c'est vrai que dans Héraclite et Démocrite, c'est vraiment le sujet, quoi, c'est les larmes et le rire, puisqu'on disait que Démocrite était celui qui riait tout le temps face à l'horreur du monde, ouais, ça lui provoquait une crise de rigolade, et Héraclite pleurait au contraire sur les malheurs du monde. Donc il y a une tradition qui existe qui a existé pendant presque 1000 ans, 1200 ans, jusqu'à Montaigne, on a encore La Fontaine, on a encore des traces de ce Héraclite qui pleure sur le monde et Démocrite qui en rigole. Mmh. Alors tout à l'heure, on évoquait dans le cadre de ce cycle théâtre et politique, effectivement la notion de divertissement qui n'était pas forcément bien à sa place. Et là, entre Jean qui rit et Jean qui pleure, comment voir le monde, c'est un peu le jeu de conversation décapante que vous nous proposez. Bah écoutez, oui, tous les jours, moi, je sais pas, je me trouve dans des situations pareilles, quoi. Des choses que j'entends à la radio, que je vois à la télé, dans les journaux, c'est vraiment, on a les deux réactions, quelquefois même en même temps, quoi. On se dit, mais c'est pas possible. La fureur, la révolte, ou bien la tristesse, l'accablement, ou bien la rigolade en disant, oh là là, mais c'est trop, quoi. Voilà. Donc je sais pas, ça arrive tout le temps en fait. Et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est ce mélange ces couches en fait, ces strates quoi, de nos pensées, de nos émotions. En même temps, on peut vivre des choses contradictoires. De nos oppositions et de nos contradictions pour le coup aussi. Eh ben oui, c'est des contradictions parce qu'on vit en même temps des choses qui sont opposées. Mais en même temps, c'est parce que les événements suscitent des réactions opposées. Après tout, c'est des couches qui se superposent. C'est pas forcément des contradictions. Il y a contradiction parce qu'on est soi-même, chacun, on est plusieurs en fait, on est en couche. Hein. Alors tout ça, ça donne aussi, ça peut donner, parce que c'est le jeu effectivement des oppositions, voire des contradictions, ça peut mener jusqu'à la jubilation. Dans Héraclite et Démocrite, c'est vrai qu'on essaie de donner toute cette palette quoi, qui va de la réflexion au plaisir de jouer avec les mots, mais surtout avec le sens, quoi. Oui. Sans avoir peur d'être dérouté, justement. Pardon ? Sans avoir peur, pour le spectateur, d'être dérouté. Le rire... c'est toujours un peu une déroute aussi, hein, le rire. Ça vient d'une surprise, de quelque chose à quoi on s'attendait pas, d'un petit déroutage, quoi. Quand on rigole, souvent, c'est quelque chose d'incongru qui est arrivé dans le réel. Alors, les spectacles qui amènent de l'inattendu, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus en général. Donc, évidemment, ça m'intéresse le plus d'en faire, puisque j'aime bien en voir des comme ça. Ça m'intéresse d'en faire aussi que des comme ça. Voilà. Là, pour Héraclite et Démocrite, c'est un théâtre de sons et d'images. Vous pouvez préciser, je crois que c'est au centre même, ou la nature même des personnages, des comédiens qui seront sur scène. Écoutez, là, c'est pas des comédiens, en fait, c'est la scénographe de la compagnie, qui est une plasticienne, Virginie Rocchetti, Et puis, moi, qui suis pas vraiment comédien non mais, plus. Mais bruiteur. On fait les choses, en fait. On produit des sons, des images, des mots en direct sur le plateau. Donc, il y a un côté spectacle, mais aussi performance. Vous voyez, c'est des choses qu'on montre en train de se faire aussi. Il y a l'idée de, voilà, de, on donne pas un produit fini, répété, re-répété jusqu'à satiété qu'on restitue au mieux. On est aussi dans une espèce de présent comme ça qui crée un rapport particulier avec le spectateur. Donc on vous retrouvera pour cette pièce le mardi 21 mai à 20h30 au Théâtre des Arts à Cergy-Centre. Ouais. Deuxième pièce, deuxième rendez-vous dans le cadre de ce cycle théâtre et politique, c'est avec la pièce Le Cabaret de la Dernière Chance. Là, c'est pour le samedi 25 mai au Théâtre des Arts à Cergy-Centre. C'est une création et là, vous explorez un autre univers. Vous avez, me semble-t-il, avoir lu, puisé dans votre encyclopédique description de l'homme avec un O majuscule. Ouais, ou minuscule selon les... Comme c'est en capital, on voit pas bien si c'est majuscule ou minuscule. Comme toutes les lettres sont en capital. Mais voilà, c'est un livre que j'ai écrit comme ça sur plusieurs années en amassant des regards justement étonnés sur le monde, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure là, de l'étonnement sur le monde. Moi, c'est ce qui m'intéresse en fait dans l'écriture, c'est découvrir soi-même à travers un regard candide, en fait, porté sur les choses, comme si on les avait jamais vues. Voilà, on regarde une affiche dans la rue, un mot, une image, et on se dit, tiens, mais j'avais jamais vu ça sous cet angle, et ça m'intéresse de le restituer, comme un enfant peut regarder les choses pour la première fois, ou un animal venu d'une autre planète. C'est pour ça que j'écris homme, sans H, parce que peut-être c'est un autre homme que nous, il est peut-être venu d'ailleurs. Et en fait, on cherche à comprendre comment ça fonctionne, ce machin-là qui est l'humanité. Alors il y a des chapitres, il y a un chapitre, je vais taper surtout dans les chapitres un peu en rapport avec le sujet, théâtre et politique, donc j'ai un chapitre sur la démocratie, ou plutôt la dé-démocratie, voilà, apprenez en 20 leçons à être dé-démocrate, c'est-à-dire à défaire la démocratie, voilà, il y a un chapitre sur l'écologie, finissons-en avec toutes les autres espèces qui nous encombrent la planète, en une bonne fois on doit pouvoir arriver à les éliminer, voilà, des choses comme ça, et politique aussi, économique. J'aime bien, voilà, j'avais fait un chapitre comme ça sur les manques plutôt, j'appelle ça des manques, voilà, parce qu'ils creusent des trous. Il y aura aussi des bouts de ce chapitre sur l'économie. Je tape là-dedans, et je tape aussi sur des pièces, puisque je suis compositeur au départ de musique, donc c'est des petites pièces comme ça, qu'ils ont des pièces pour plein d'instruments différents. Ça va du cor des Alpes au tuba, en passant par le piano, tout simplement, beaucoup d'autres instruments, quoi, avec des musiciens qui sont là, pianistes, donc Vincent Leterme, percussionniste. Vous nous conviez donc, les spectateurs sont conviés donc à participer à ce véritable cabaret de la dernière chance. Ouais. Je parlais de fantaisie tout à l'heure. On sent bien effectivement dans tout ce que vous nous déclarez, dans tous les univers qui vous hantent, je ne sais pas, mais en tout cas dans lesquels vous avez voyagé ou dans lesquels vous continuez de voyager. Il est question beaucoup de facéties aussi. D'autres comédiens à vos côtés? Il y a Renaud Bertin, un comédien justement qui a travaillé avec moi sur plusieurs des spectacles à partir de descriptions de l'homme. Donc voilà, peut-être il fera un texte sur les permis de péter et polluer, puisqu'il y a des permis pour polluer. Donc voilà, c'est quand même aussi des contradictions terribles, des choses comme ça. Voilà, donc il y a aussi percussionniste, quelqu'un qui joue du tuba, Maxime Morel. Percussionniste Elisa Humanes, voilà, enfin, plusieurs personnes, et puis j'inviterai aussi peut-être Nicolas Sarkozy, François Hollande, sous la forme de vidéos, on décryptera ensemble des vidéos, musicalement peut-être, voilà, on fera des partitions vidéo ensemble, avec le public. Alors, je ne sais pas si c'est extrait du spectacle, mais j'ai une note sous les yeux où il est dit la chose suivante: on sait peu de choses de l'homme après la mort, ce sont des suppositions, des superpositions d'appréciation, suppositoires même. Oui, alors c'est des phrases description de l'homme, oui, oui. Voilà, c'est dans le chapitre sur la vie et la mort, oui. Jean-Joël Le Chapelain, vous avez à l'antenne Jacques Rebottier, artiste en résidence sur le territoire. Oui, parce que depuis, c'est la deuxième année que nous menons avec Jacques, enfin que Jacques mène sur le territoire, plus exactement, ces expérimentations en tout genre et qui sont tout à fait atypiques, puisque dans le paysage artistique français, des compositeurs, des hommes de théâtre, des gens qui explorent des parcours singuliers, eh bien Jacques a une place tout à fait singulière. C'est pour ça que nous avions bonheur à le recevoir pendant ces deux années où il a été un petit peu partout. Et d'ailleurs, le spectacle Héraclite et Démocrite sera présenté au château de la Roche-Guyon le 19 mai, avant d'être chez nous le 21 mai et avant de se retrouver à Gonesse, donc pour témoigner d'une présence territoriale. Et puis il y a un projet dont Jacques, peut-être tu pourrais nous parler, qui est l'exposition qu'on a rajoutée, si on peut dire, à cela, profitant de ta créativité sur cette exposition Placardage. Tu peux nous en dire deux mots peut-être? Eh ben oui, avec plaisir, Jean-Joël. Ce sont en fait des thèses comme ça que j'écris depuis 3-4 ans, qui sont sur l'idée du wanted, c'est-à-dire des avis de recherche, quoi, des avis. Voilà. Alors on recherche pas forcément Bonnie and Clyde, on recherche aussi dans la société aujourd'hui, je sais pas, il y a un avis aux vieux, il y a un avis aux étrangers, il y a un avis aux hommes, aux femmes, un avis aux poulets. Voilà, ce sont des affiches comme ça qui sont sous la forme de comme on disait au XVIIe siècle, de placards, parce qu'on les placardait, non pas sur des placards, mais sur les murs de la ville. On a une version, je viens de sortir une version livre, qui est aux éditions Ancrage, et que c'est un objet livre, en fait, dont les pages se déplient comme ça. C'est un très très bel objet. J'avais envie de présenter comme ça et d'amplifier sous forme d'une exposition, d'affiches de 2 mètres sur 1. Donc il y a 22 placards comme ça qui sont... Ils sont affichés, placardés au théâtre des Louvrets. Et plutôt que de faire un vernissage, on va faire un vernissage placardage le 17 mai. C'est combien? Le 17 mai. 17 mai à 18h30. 18h30. Voilà, au théâtre des Louvrets. Le 23, pardon. Excusez-moi, c'est le 23 mai. Voilà, c'est le 23. Excusez-moi. Du côté, effectivement, de notre semaine théâtre et politique, là, le 23, 18h30. Bien, la liaison téléphonique commence à baisser en intensité. Vous remercie, Jacques Rebottier, d'avoir répondu à nos questions. Et on donne rendez-vous, bien évidemment, à nos auditeurs et à l'ensemble des habitants de cette région pour aller découvrir Héraclite et Démocrite le mardi 21 mai à 20h30 au Théâtre des Arts à Cergy-Centre. Spectacle qui, comme l'a dit il y a un instant Jean-Joël Le Chapelain, sera en tournée le dimanche 19 mai à 16h au château de la Roche-Guyon, ainsi que le 8 juin à 15h au pôle culturel de Coulanges à Gonesse. Mais aussi pour le cabaret de la dernière chance, dont on a parlé au cours de cette émission, avec la représentation unique qu'il faudra aller voir le samedi 25 mai à 20h30 au Théâtre des Arts à Cergy-Centre, dans le cadre de cette 4e édition du cycle Théâtre et Politique. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. L'heure est arrivée pour nous de bien proposer une nouvelle pause musicale, plage musicale, comme on a pu le dire au cours d'une précédente émission. Aujourd'hui, c'est Jean-Joël Le Chapelain qui va nous présenter sa plage musicale. Oui, enfin, en deux mots simplement, c'est une incursion dans notre saison 2013-2014, puisque c'est Eliane Elias que je vous propose, qui est une chanteuse de jazz, qui sera notre interprète, enfin notre équipe, l'une des deux équipes invitées dans le cadre de notre Nuit du Jazz qui aura lieu en novembre 2013. C'est sur RGB, sur le 99.2 FM, mais aussi sur radio-rgb.net. C'est l'apostrophe, l'émission. morena. Onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Oh, rosa, morena rosa. Oh, rosa, morena. Onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa. Rosa morena, esse samba está esperando, esperando pra te ver. Deixa de lado essa pose de dengosa e anda rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose e vem pro samba, vem sambar, que o pessoal tá cansado de esperar. Oh, rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Viu, rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. RGB 99.2. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Émission où il est question tout particulièrement de la quatrième édition du cycle Théâtre et Politique. Jean-Joël Le Chapelain en a évoqué des spectacles, mais sur les sept au total, quelques mots rapides pour nous donner l'envie eh bien, de réserver nos soirées à venir entre le 14 mai et le 8 juin. Tendre et cruel, par Brigitte-Jacques Wajmann, une tragédie contemporaine. Absolument, puisque Tendre et cruel est une pièce, un peu, on est dans la réécriture, puisque Gabriel Dufay nous parlait de la réécriture par Jon Foss d'un texte de Knut Hamsun. Là, c'est Sophocle. On est dans la réécriture de Martin Krim, d'un texte de Sophocle qui s'appelle les Trakiniennes. Et donc, c'est une transcription sur la question du terrorisme, le lien entre le Nord et le Sud. Et donc, c'est un texte d'une très grande puissance et qui est véritablement, qui nous plonge dans son traitement contemporain, dans ce que doivent être finalement les allées du pouvoir, dans les grandes capitales mondiales, genre Washington, Moscou, Londres, Paris ou autre. Et donc c'est véritablement une pièce éminemment politique qui est à voir absolument avec le traitement que c'est lui donner un metteur en scène comme Brigitte-Jacques Wajmann, qui avait fait l'année passée la mise en scène que l'on sait de Nicomède et Surena, qui étaient les deux magnifiques pièces politiques de Corneille. Et donc là on est dans une veine totalement comparable. Une pièce à voir le vendredi 24 mai à 20h30 au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Cette fois-ci, autre pièce à découvrir, pièce inspirée d'une authentique histoire d'aujourd'hui et pourtant proche des grands canevas tragiques. S'il vous plaît, continuez, Hamlet. Oui, donc ça, ce sont des artistes suisses qui ont inventé un mode d'appréhension du théâtre qui s'appuie sur finalement une enquête policière. Un jeune homme qui a tué le père de sa petite amie, en gros, et donc la transcription est faite pour voir derrière tout cela le drame d'Hamlet, où en fait Hamlet tue Claudius, qui est le père d'Ophélie, derrière un rideau en prétextant qu'il y a un rat, alors que Claudius est en train d'écouter la conversation qu'avait Hamlet avec, avec sa mère Gertrude. Et donc on voit ces trois protagonistes apparaître à la barre du tribunal, puisqu'ils ont été convoqués par le tribunal et ils vont être jugés par un jury populaire. Et donc ils viennent défendre leur position respective et se défendre avec de vrais juges, de vrais procureurs et de vrais avocats en face d'eux, qui seront ceux du barreau de Pontoise en l'occurrence, puisque dans chaque ville, eh bien, ce sont les personnes du barreau, les vrais professionnels, qui sont des partenaires de ce spectacle, avec un jugement à la fin, puisque le jury populaire est choisi dans l'Assemblée et juge également Hamlet, est-il ou non coupable. Alors on peut dire aujourd'hui que dans un certain nombre de cas, il a été jugé coupable, et dans d'autres, il a été acquitté. Alors on verra ce qu'il en sera dans les quatre représentations de Pontoise qui se dérouleront, et c'est une première absolument formidable, dans les salles d'audience du tribunal. Du tribunal de grande instance. De grande instance de Pontoise, c'est ça. Donc c'est véritablement, on est au cœur de l'activité. On remercie d'ailleurs chaleureusement le président du tribunal de nous avoir autorisé à faire ces représentations ici, et notre président du conseil d'administration qui était l'entregent de tout ça, Dominique Marceau, que je salue bien confraternellement. On parle de Hamlet, et ben restons un instant, puisqu'il y a une autre pièce, Enquête sur Hamlet de Pierre Bayard, par Patrick Simon. Et là, et bien, la question, ce qui est au centre d'une véritable enquête policière, on parle même, je crois, d'une ambiance de polar. C'est tout à fait ça. Oui. Mais que s'est-il donc passé il y a 5 siècles dans le château où le père d'Hamlet est mort assassiné? Et voilà, donc que s'est-il passé? Donc c'est toute cette enquête qui est remontée, et on n'est pas certain que le meurtrier soit celui que l'on croyait, ni d'ailleurs pour Hamlet peut-être ayant tué Claudius, ni d'ailleurs pour le père d'Hamlet, dont on suppose qu'évidemment c'est... Enfin, l'histoire nous dit que c'est Claudius qui aurait tué le père d'Hamlet, et donc ce spectacle explore cette situation. Ce n'est pas Claudius qui est le père d'Hamlet, mais tout en s'appuyant sur le texte de Shakespeare. Tout en s'appuyant sur le texte de Shakespeare. En l'occurrence, c'est une enquête policière dont on fait dire finalement à l'histoire, l'auteur s'amuse à évoquer d'autres possibles. Et Hamlet, viendra défendre sa cause devant le tribunal. Absolument, lui aussi. Spectacle qui lui sera à voir le vendredi 31 mai à 14h30 et 20h30, le samedi 1er juin à 17h, au Théâtre des Arts à Cergy-Centre. Et tout à l'heure, on évoquait, s'il vous plaît, continuez, spectacle qui aura lieu exceptionnellement au tribunal de grande instance de Pontoise, c'est du 28 au 31 mai, en soirée à 20h30. Il nous faut dire très brièvement quelques mots concernant la rencontre débat sur la thématique pouvoir et justice qui aura lieu le samedi 25 mai à 16h au Théâtre des Arts à Cergy. Oui, donc c'est un thème générique, mais en fait ce sera une rencontre plutôt avec les spectateurs, plutôt qu'une conférence ex cathedra, n'est-ce pas ? Ce sera une rencontre avec les spectateurs qui, animée par la revue Mouvement, nous permettront dans une thématique qui est plus de l'ordre d'un jeu public, comme ça, sous une thématique que développe depuis quelque temps cette grande revue culturelle qui s'appelle Sens Public. Et donc il y a un certain nombre d'intervenants qui vont ainsi agiter la pensée collective de telle façon que l'on puisse explorer ce thème sur le pouvoir et la justice, et qui va permettre de faire un petit point bien circonstancié à une journée, un moment, un instant dans cet espace, mais où la parole là ne sera pas de vérité assénée comme on en entend sur les chaînes de radio, de télévision sans arrêt. C'est-à-dire que les vérités s'appuient ou viennent compléter d'autres vérités, viennent s'ajouter, s'accumuler à d'autres vérités. Là, c'est plutôt une recherche collective pour y voir un peu clair dans tout ça. Rencontre qui aura lieu le 25 mai à 16h au Théâtre des Arts à Cergy sur les rapports étroits et très souvent compliqués, comme on l'a dit, entre pouvoir et justice. Brièvement, deux mots pour de prochains événements à l'apostrophe. Le Cyrano de Bergerac, un événement du 5 au 8 juin. Avec Philippe Torreton dans le rôle, évidemment, de Cyrano de Bergerac, avec la célèbre et la belle tirade d'Énée et d'autres. À moi, C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple, tenez, agressif, etc. Et donc Philippe Torton est là dans une maison de santé, une maison de retraite plus que dans autre chose. Et Dominique Pietroser en a fait un personnage tout à fait formidable, au-delà même de ce qu'a pu imaginer Edmond Rostand. Et Philippe Torton est le comédien génial que l'on connaît. Présentation de la saison 2013-2014, elle aura lieu le mardi 18 juin à 19h30 et ça sera au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Absolument, puis ça sera une sorte d'appel aussi, n'est-ce pas? Donc en référence à celui du 18 juin 40, mais pas de même facture, c'est l'appel aux spectateurs et aux artistes pour pouvoir venir découvrir notre saison 2013-2014. Pour en savoir davantage sur toutes les actualités à l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, eh bien le téléphone au 01 34 20 14 14 ou bien sur internet au www.l'apostrophe.net, l'apostrophe tout attaché.net. Remerciements à nos invités Jean-Joël Le Chapelain, Jacques Rebottier et Gabriel Dufay. Remerciements à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission et à Jérôme Letellier qui l'a si bien réalisé. Cette émission sera rediffusée également samedi 11 mai de 9h à 10h sur votre antenne de radio locale sur RGB, le 99.2 FM, mais aussi sur internet au www.radio-rgb.net. Pour le prochain numéro de ce rendez-vous devenu un incontournable de notre antenne, l'apostrophe l'émission, eh bien rendez-vous le mercredi 12 juin de 19 à 20h. À bientôt. Et grand merci RGB. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.